Bonjour tout le monde, Denis Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 6 avril. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord des Saguenay de Scoutimi avec 9% seulement des chances de remporter la loterie. Yannick Jean et tout son personnel de hockey ont réussi à gagner la loterie et repêcheront au premier rang lors du repêchage de la Ligue de hockey junior du Québec qui va se dérouler au mois de juin prochain à Shawinigan. C'est seulement la deuxième fois de leur histoire que les Saguenay repêcheront au premier rang. En 1979, les Sags avaient jeté leur dévolu sur Éric Bernier. Parlons de la nouvelle la plus importante hier. Simon Gaudreau a été nommé l'instructeur de la nouvelle formation de la Cité étudiante de la polyvalente de Roberval. Et on sait que la Cité étudiante de la polyvalente de Roberval auront une équipe de hockey la saison prochaine dans un nouveau circuit Benjamin. Et Simon Gaudreau a expliqué à danantiosport.com comment les discussions ont commencé? Je sais que la Cité étudiante de Roberval ont demandé la permission à Yannick Jean de rentrer en contact avec moi durant l'hiver pour sonder mon intérêt. Je les ai rencontrés, sonder l'intérêt, tout ça, juste parler s'il y avait des possibilités éventuelles. Si jamais il y avait une équipe, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas nécessairement de programme de prêt. Une fois que c'était fait, là, nous autres, vous savez que les Saguenay, on a perdu en 6 matchs contre les Saguenay de Cass Batters. Une fois l'élimination faite après le congé de Pâques, je dirais à partir de mardi, aussitôt, j'ai reçu une communication. Et puis, je suis rentré en contact avec les gens de Roberval. Je suis venu les rencontrer. Ils m'ont fait un offre. Et puis, ce matin, là, je dirais que j'ai accepté. J'ai parlé avec tout mon monde, le monde des Saguenay, que j'ai tenu à remercier un par un. Prendre le temps justement de faire des appels avec tout le monde. Les remercie beaucoup parce que c'est un petit peu grossier. Dans un deuxième temps, Simon Gaudreau explique que le travail est déjà commencé à la Cité étudiante pour recruter des joueurs. Oui, je pars à zéro sur la planche à dessin, mais même malgré mon jeune âge, j'ai quand même beaucoup d'expérience là, dans ces niveaux-là, dans la préparation de camp, etc. J'ai déjà aujourd'hui et un petit peu hier commencé à griffonner mon plan de travail, préparer un petit peu les camps d'entraînement, commencer le recrutement. J'ai mes listes. Je vais commencer à communiquer avec des gens, communiquer avec des parents de jeunes de la commission scolaire Pays des Bleuets, sonder de l'intérêt, présenter notre programme aussi, présenter le type d'école que nous avons, le programme qu'on veut leur offrir. J'ai une bonne idée de tout ça. Et puis, le tout va se mettre en branle là, à partir de demain, même à partir de ce soir. OK. Donc, Simon Gaudreau quitte les Saguenay de Scoutimi pour aller rejoindre la Cité étudiante, mais il ne garde que de bons souvenirs de son passage avec les Saguenay. Un travail d'équipe incroyable. Tout le monde laissait son ego à la porte. Tout le monde voulait contribuer à sa façon. C'est des personnes humbles, c'est des personnes qui voulaient se surpasser à tous les jours. On a créé un sentiment d'appartenance. En tout cas, Yannick a amené un sentiment l'organisation des Saguenay a amené un sentiment d'appartenance à la région. On le sentait comment c'était fort. On se promenait dans les rues, on était allé jouer à Dolbeau l'année dernière, on était allé jouer à Roberval l'année passée. On s'est fait parler des Saguenay, les gens sont fiers. C'est la discipline de vie, les choses les joueurs, la façon que les joueurs se préparaient. C'est un bagage d'une vie, c'est une expérience incroyable. J'en serai jamais assez reconnaissant. Je remercie énormément de m'avoir fait confiance puis d'avoir travaillé pour les Saguenay de Chicoutimi. Je vais toujours rester un Saguenay de Chicoutimi. Si je peux un jour retravailler pour eux, si l'avenir me le permet, je le ferai. Mais là, la décision était un petit peu plus au niveau de la carrière. Maintenant, parlons des Marquis de Jonquière qui ont remporté la victoire hier, une victoire de 6-5 contre les Éperviers de Normandie pour remporter le championnat de la Ligue junior régionale. C'est la sixième fois en 8 ans que la troupe de Bob Desjardins remporte ces grands honneurs. Au niveau Pee-Wee, il y a une équipe qui est encore en vie, c'est les Rapides de Boumsesni. Partis pour un tournoi à la ronde actuellement, ils ont gagné hier par la marque de 5-1 à Métabetchouan. Les Rapides n'ont seulement qu'une défaite dans ce tournoi à la ronde. Il faut continuer, ils ne doivent pas subir plus que 3 défaites. Et en terminant, les Castors de Dolbeau, on a fait le bilan hier avec l'instructeur-chef Robin Boulian. C'est quand même été une année en 2 temps pour les Castors de Dolbeau. Et il admet que la perte de Philippe Leroyer en finale a fait mal aux Castors. Ah, c'est sûr que Philippe nous a manqué son aspect physique. c'est un vétéran de 3 saisons ici, son aspect physique. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il a quand même été notre meilleur marqueur durant la saison. Bon, c'est le sien qui avait quand même une bonne défensive. Bon, un ou deux buts de plus par match, peut-être que ça aurait fait la différence. Okay. Est-ce que ça aurait fait la différence qu'on aurait gagné? Je ne sais pas, mais c'est sûr. Mais William voit quand même du positif pour la saison prochaine, c'est les Castors. Écoute, si je ne regarde pas ce qui s'en vient, quand même, on garde quand même un bon noyau dans l'équipe. Dans l'équipe Midget 2B, là, actuellement, on avait des joueurs de première et de deuxième année qui vont rester là. Donc, un bon noyau. Évidemment, dans le Bantam 2B, on a des bons jeunes aussi qui s'en viennent. On a aussi, peut-être, on ne sait pas, il y a des jeunes qui étaient au cadet cette année, qui on ne sait pas c'est quoi qu'ils vont faire l'an prochain, est-ce qu'ils vont juvenir, est-ce qu'ils vont revenir. Ouais. Mais oui, moi je pense que je vois ça d'un bon œil, là, l'avenir des Castors. Là. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je m'étais entretenu avec l'instructeur chef des Castors de Delbourg, Robin Boulian. Et aussi, je me suis entretenu aussi avec Simon Godreau, le nouvel instructeur de la cité étudiante de Robert-Val. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.